Chapitre 16. Acte de la béatification. Lorsque Monseigneur Paul d'Astros, qui, pour la remarquable intégrité de sa vie et pour avoir bien mérité de la Sainte Église, qu'il défendit dans les temps de la plus grande agitation et des plus terribles dangers, fut ensuite honoré de la pourpre sacrée, monta sur le siège archiépiscopal de Toulouse, tout embrasé de zèle pour la gloire de la servante de Dieu, Germaine Cousin, il résolut de travailler de tout son pouvoir à procurer la conclusion de l'affaire de la béatification. Outre que les enquêtes déjà faites par l'archidiacre Dufour en 1661 et par le père Marcel en 1700, dont nous avons parlé en leur lieu, avaient été faites sans les formalités ordinaires et nécessaires, elles s'étaient bornées à constater l'intégrité et l'identité du corps et à relever par écrit les témoignages de quelques prodiges qui s'étaient opérés. Il y était très peu question de ce qui regardait les vertus. En conséquence, il fut nécessaire de dresser de nouveaux procès-verbaux en la forme ordinaire. On les commença en 1843 et ils furent terminés l'année suivante. La copie authentique de ces procès-verbaux ayant été portée à Rome, Grégoire XVI, sous la date du 24 janvier 1845, donna permission d'en faire l'ouverture. Et le même jour, il nomma pour rapporteur et référendaire de la cause l'éminentissime cardinal Louis Lambroschini, qui s'appliqua toujours avec beaucoup de zèle et une piété rare à promouvoir la cause et à accélérer la marche de l'affaire. Le 14 juin de la même année, dans la sacrée congrégation des rites, on traita de l'introduction de la cause qui, plus tard, c'est-à-dire le 20 du même mois, fut signée par le souverain pontife. Dans cette introduction, une très humble supplique fut présentée au Saint-Siège par 7 archevêques, 16 évêques, 17 chapitres de cathédrales, 18 paroisses et plusieurs communautés religieuses de France. Le 27 fut accordée la faculté d'expédier les lettres rémissoriales pour l'organisation de la procédure apostolique, touchant la renommée de sainteté et en même temps sur les vertus et les miracles considérés en détail. D'autres lettres rémissoriales furent encore obtenues en 1846 et 1847 et expédiées à Toulouse et à Bourges pour ouvrir une enquête juridique sur quelques miracles éclatants opérés de Dieu en ces lieux par l'intercession de sa servante. La validité de toutes ces procédures, soit ordinaires, soit apostoliques, fut discutée et approuvée le 22 juillet 1848 et on la confirma 6 jours après par l'autorité du saint pontife Pie IX. Les choses ainsi préparées, le 27 janvier 1849 devait se tenir, selon la coutume, la première congrégation sur les vertus, congrégation qu'on appelle antépréparatoire. Mais la chose étant impossible alors, soit à cause des troubles politiques qui agitaient Rome, soit à cause de l'absence du cardinal référendaire, on obtint de sa sainteté l'autorisation de recueillir les suffrages des consulteurs a privatim de manière que cela pût tenir lieu de la congrégation antépréparatoire. La seconde congrégation, qu'on nomme préparatoire, se tint le 22 novembre de la même année dans le palais apostolique du Quirinal. Et dans cette congrégation, on discuta et on agita si bien la cause que, comme s'il n'y avait plus rien qui fît opposition, sa sainteté ordonna qu'on procédât à la congrégation générale qui devait se tenir en sa présence avec les mêmes observations et les mêmes réponses déjà proposées dans les congrégations précédentes, et ainsi, le 26 mai 1850, fut publié le décret qui reconnaissait les vertus dans le degré héroïque. On présenta finalement les 4 miracles requis pour l'expédition de la cause et examinés avec soin, selon la forme voulue, dans les 3 congrégations tenues les 2 décembre 1851, 23 novembre 1852, 19 avril 1853 et le 24 du mois de juin suivant, fut publié le décret dans lequel on déclara qu'on pouvait en toute sécurité procéder à la solennelle béatification de la vénérable servante de Dieu. On voit clairement, parce que nous avons exposé ici, que cette cause a été commencée et finie par la sacrée congrégation des rites dans le seul espace des 8 ans qui se sont écoulés depuis la première introduction jusqu'au décret qui ordonna la béatification. Cette prompte et heureuse issue doit être attribuée aux soins empressés des 2 archevêques de Toulouse, Monseigneur d'Astros et Monseigneur J.M. Miolan, ainsi qu'au cardinal rapporteur de la cause, Louis Lambroschini, au promoteur Monseigneur Jacques Estrade et au très cher avocat François Mercurelli, qui, tous dans une heureuse combinaison de leurs efforts, n'ont rien omis et ont employé au contraire la plus grande diligence pour mener l'affaire à heureuse fin. Il n'en faut pas moins reconnaître que cette célébrité ne vient pas seulement des moyens humains, mais doit surtout remonter jusqu'à la divine Providence, qui voulait certainement exalter et glorifier sa très humble petite servante. Ce n'est pas à dire que les difficultés qui se présentaient en foule pour empêcher l'instruction et la conclusion de l'affaire fussent de peu de poids et en petit nombre. Elles étaient, au contraire, très considérables, soit au point de vue de la valeur des raisons, soit pour la substance des faits. Toutes furent sans exception résolues en une seule fois, et tous, cardinaux et consulteurs, s'accordèrent à porter une seule et même sentence. Le saint pontife Grégoire XVI lui-même, ayant été d'abord quelque peu en crainte sur l'issue d'une telle cause, n'eût pas plutôt lu posément l'exposition qui avait été faite pour l'introduction de la cause, qu'il n'hésita plus à l'appeler admirable et qu'il exhorta immédiatement le promoteur à la pousser avec toute l'ardeur dont il était capable. Chapitre 17. Explication des peintures exposées dans la basilique vaticane le jour de la béatification. Je clos enfin cette histoire par une brève et succincte explication des peintures exposées dans la basilique vaticane à l'occasion de la béatification. Sur l'étendard suspendu à la grande tribune extérieure de la basilique est représentée la bienheureuse dans le moment où elle laisse la terre pour s'envoler vers la céleste patrie. Elle est debout, en pied, sur les nuages, et entre deux anges qui l'accompagnent. Dans le lointain, au fond du tableau, on voit le petit village de Pibrac où elle prit naissance et où repose encore sa dépouille sacrée. Ensuite, la campagne, où elle passa sa vie solitaire en faisant paître ses brebis. Et enfin, la croix de bois, plantée en terre devant laquelle la servante de Dieu restait de longues heures dans la plus haute contemplation, et penchant son cœur dans l'amour de son bien-aimé. Quelques détails du tableau font aussi connaître par quel degré la bienheureuse Germaine parvint, en passant par des degrés successifs, à la plus haute perfection et à la plus grande sainteté, c'est-à-dire par l'humilité, la solitude et l'oraison. Le tableau, placé au-dessus de la principale porte dans le vestibule de la basilique, représente le miracle du pain changé en fleurs, qu'on trouve raconté en détail dans la vie. La marâtre est représentée avec un air outré d'indignation et avec un bâton à la main. On la voit secouer avec furie le tablier de la servante de Dieu, qui, par son air serein et tranquille, forte qu'elle est de son innocence, montre qu'elle ne craint ni les menaces ni les coups. Se tiennent sur les côtés Pierre Payès et Jeanne Salaire, habitants de la terre de Pibrac, accourus pour arracher la pauvre enfant des mains de sa belle-mère furieuse, et frappés, émerveillés en voyant tomber du tablier de Germaine au lieu de pain une pluie de fleurs.